haut y'a les darons, en bas y'a les outils, devant y'a les redem et le produit que t'aimes. Moi j'arrive en laiton dans ma caronie. Allongé, j'suis au placard au lit. J'ai perdu la daronne, le daron, j'me réveille avec deux putes. Aurais-je perdu mes repères? Si t'es qu'une bouca, moi j'pourrais te faire. Car en vrai, t'as ôté la vie de mon frère. Putain, la bague tourne, y'a une baisse de profit. En vrai, j'suis un bon, mais j'ai le mauvais profil. Et j'irai pas manger au Met Gala. J'ai 10 ans d'avance, vous en êtes qu'à là. Ils ont pas les épaules pour assumer toutes nos salades. Faudrait que j'me mette à la salade. Le vécu est brut, la connexion machiavélique. Au feu rouge comme Machiavelli. Le slogan c'est à bas l'ennemi. Eux c'est des racistes comme en Alabama. Et même mon feu à la pommade. Il me faut l'avocat de Nico. Non, j'veux pas faire une nuit là-bas. Et carrière les saute comme Offset. J'suis à LS ou le Sunset. Cette année on va plaquer la recette. Eux ils composent le 17. Tiens mon mail. Va niquer ta mère, point comme sans état d'âme. La cahier c'est Val Thorens, les gueux font des saltos comme Saddam. En bas y'a des bosseurs qui se l'alament, qui se trimballent des bonbonnes. Mais c'est pas pour souffler dedans. Y'a que chez l'horloger que je peux compter le temps. Si t'as pas le montant, c'est à rien d'oser le ton. Du soleil levant jusqu'aux aurores, des horaires qu'ont rendu le corazon en plomb. Matrix c'est pas le Wari, cadenas sur la valise. J'prends du recul, sinon je vais vite acheter un pont. Les RDF se passent à la pompe, 3 quarts QR, Tencel, j'arrive à scum. Cadrer la zone à distance, tu nous nasmes. Le monde est petit, comme la map de Los Santos et Vice City. On est têtu. A défaut de recéer les taux, continue d'augmenter les taux. Je suis connu comme le Téléthon. Le jabon m'a donné raison, le baveux m'a dit t'es un fou. Le banquier m'a dit t'es un bon. La plupart de ce qu'il raconte c'est faux. Je fais la même tête que toi, mini devant Eto. R.A.B. rien à prouver, je les ai guéchots. Moi c'est tout pas que je roule sur eux comme des fros. Et j'aimerais mettre tous ces fachos à poil. Y'a que sur un bateau qu'ils acceptent les voiles. Y'a que dans la tombe que j'accepte mon sort. Y'en a deux dans la suite du Royal Monceau. Rien que ça les rafale comme Scorsese. Beaucoup de chevaux dans le cortège. Sous sa grosse tête, jamais Cortez. Elle me rappelle, je l'ai en cortège. Rogatoire et la commission. Je signe et je prends ma commission. Si t'as moins de 18, je t'envoie en mission. On va shooter le commissaire. Fouiner une naïre, noir et la meurre. Blanche et la... Pour la ring et les œillères. Je sais plus pour combien, c'était 2000 je crois. Qui s'est fait shooter par un 2003. Ok toc toc, c'est moi le tisse mais qui frappe à la porte. Pop, sur le banc des accusés, ça sent lock top. Cherche un plug pour baiser la proc. Je fais des rêves en gérable, je l'entends crier fuck fuck. Je consomme la vie comme le gasoline. Azolé, je leur fais du le 500 vaseline. Je fais des one shot pendant que leur docteur prescrit des ventolines. Je paye pas de shooter, j'envoie un zinc coup. J'ai toujours un 22 dans la coupe. Je roule plus vite parce qu'elle aime les à-coups. Pas besoin de la bague, elle demande juste le toit. Et carrière les saute comme Offset. J'suis à LS ou le Sunset. Cette année on va braquer la recette. Eux ils composent le 17. Et carrière les saute comme Offset. J'suis à LS ou le Sunset. Cette année on va braquer la recette. Eux ils composent le 17. Capital de la crème du crime. Banlieue sale musique.